Tu sais que c'est piaf que tes sales decks nous pètent à 200 dans tes virages. Le sac rempli de bijoux volés, d'un coup tu te retrouves surveillé par un mirador et c'est pas un mirage. La mise à mort est immédiate quand t'es gnolé. Pour toi les corps brûlés du boulevard Auriol ne sont dus qu'à un incendiaire qui boit du 12 ans d'âge. Les macaques reprennent le contrôle du carnage. Chez nous y'a pas de négro en sol, y'a que des sales blagues qui ont dû te baiser ton ego. Elles altranchent, je suis persuadé que dans ton enfance tout allait mal. Allez goûte à mon chim et tu verras tout s'adoucit. C'est le KRE qui te met à quatre pattes. Les Batman reprennent leur dû et ça tape, man. M'en a Batman comme on t'encule. Pourtant j'ai tout fait pour combattre malin qui sommeille en moi. Ici c'est le tragique destin d'Amélie. Y'a pas de sublime festin que des négros amaigris. Tiens ça mérite que ma ministre façonne le visage de l'Amérique à coup de A380 pour tous ces galopins que t'as meurtri dans leur être, putain. Tu prétends jouer l'être humain mais qui es-tu réellement? Quand tu sais que pour un peu de pétrole des chars d'assaut renversent des enfants. Moi j'en ai rien à foutre, sache que je n'ai pas de doute. Moi je vis au jour le jour, rien à battre de toutes ces poucas. Pourquoi mes gens sont mal menés? Génération cerveau lacéré. Moi j'en ai rien à foutre, sache que je n'ai pas de doute. Moi je vis au jour le jour, rien à battre de toutes ces poucas. Pourquoi mes gens sont mal menés? Génération dollar serré. Ok. Je m'accorde en ce bref moment de lucidité. Une once de compassion vis-à-vis de ceux qui intimement rêvent nous empoisonner. Nous on sait pas te pardonner alors crotte pas nous. Il te suffit d'un mot de travers pour que ta tronche constate qu'on est complètement parano. Pourvu qu'on te réanime afin que tu réalises qu'au fond rien ne vaut la vie. Et qu'en fait faut la vivre vite. Parfois il te suffit d'un déclic pour que tu comprennes que quels que soient tes péchés tu seras pardonné. Que tu sois tronché de tranchant ou la grosse chienne. Avec nos femmes on sait être casanier. Excuse-moi bébé. Mais y'a pas que la dope et les patotons qu'on sait cuisiner. On va pas t'obliger à kiffer notre drame. Mais si t'as mes albums chez toi, dis-toi que t'es mon gars. Moi je m'attends pas à ce que tu valides mon titre ou que ta pute rafope mon gibre. Moi c'est rap et bon shit. Toutes tes lois j'ai qu'on chie en fait. Si t'as pas compris, dis-leur qu'on connaît le truc. Tu vas pas nous berner avec tes histoires. Moi j'en ai rien à foutre, sache que je n'ai pas de doute. Moi je vis au jour le jour, rien à battre de toutes ces poucas. Pourquoi mes gens sont mal menés? Génération cerveau lacéré. Moi j'en ai rien à foutre, sache que je n'ai pas de doute. Moi je vis au jour le jour, rien à battre de toutes ces poucas. Pourquoi mes gens sont mal menés? Génération dollar serré. Toi qui nous gouvernes, pourquoi es-tu si méchant? Toi qui veux nous perler, crois pas qu'on est pressant. Mais crois pas qu'on plaisante, on n'est pas fait pour tes chants. Toi qui nous gouvernes, pourquoi es-tu si méchant? Toi qui veux nous perler, crois pas qu'on est pressant. Mais crois pas qu'on plaisante, on n'est pas fait pour tes chants. On n'en a rien à foutre.